Ils diront, quand donc cette promesse sera-t-elle tenue, si ce que vous dites est vrai ? قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Dis, seul Allah en détient la science. Quant à moi, je ne suis là que pour avertir en toute clarté. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Lorsqu'ils l'auront vu de très près, les mécréants en auront le visage tout blême, et il leur sera dit, voici ce que vous appeliez de vos voeux avec empressement. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Dis, méditez donc ceci. Si Allah me fait périr, ainsi que ceux qui sont avec moi, ou s'il nous reçoit dans sa miséricorde, qui mettra les mécréants à l'abri d'un supplice très douloureux ? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Dis, c'est lui, le tout clément, en qui nous croyons et à qui nous en remettons. Vous saurez donc bientôt qui aura été dans un égarement manifeste. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Dis enfin, méditez encore ceci. Si votre eau était aspirée bien loin, dans les profondeurs de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau qui coule de source ?